La Radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous prient d'écouter La petite Catherine de Hellbrun ou L'épreuve du feu. Adaptation française du drame de chevalerie en 5 actes et 16 tableaux de Heinrich von Kleist par Eric Bromberger. Production et réalisation de Jacques Régnier. Illustration musicale d'après l'œuvre d'Anton Bruckner. Sonneries et fanfares originales d'André Jolivet. Fils d'une famille qui donna à l'Allemagne 50 généraux, il rogna l'appareil militaire pour les lettres. Libre de s'y adonner, il convint « J'ai la nausée de tout ce que l'on appelle savoir ». Maudit par sa famille, il frôla l'inceste. Dévoré par le sentiment d'un honneur rigoureux, il fut condamné comme espion. Jaloux de sa patrie, il la vit défaite. Fou de la gloire, il mourut méconnu. Ardent à vivre, il se tua. Tel fut Heinrich von Kleist. Dans l'invraisemblable remous littéraire qu'offrait le romantisme allemand, Kleist ne pouvait que se noyer. Mais avant de succomber, il nous a livré la clé de son échec et le secret de son suicide. En écrivant sa dernière tragédie, il s'est trouvé face à face avec lui-même. Le prince de Hombourg est sa propre image et ce qu'il prononce à la valeur d'un testament. Kleist a laissé sur sa table de travail ce miroir impitoyable qui, miraculeusement, a gardé son reflet. Face à un monde qui se retirait devant lui comme une mère, Kleist s'adressa aux forces inconnues et recourt à l'infernal. La petite Catherine de Hellbrun, que vous allez entendre, en est peut-être l'illustration la plus évidente. C'est l'histoire de l'amour impossible, le Tristan et Iseux germanique. Cette histoire a pour l'Allemand la portée d'une légende et lui est aussi familière. Aujourd'hui, à Hellbrun, les guides montrent aux touristes la fenêtre par laquelle s'est jetée la petite Catherine, l'atelier paternel, le couvent qui l'attira et tous ces décors que vous imaginerez tout à l'heure. Rarement œuvre dramatique parvint au succès légendaire. Ici, le filtre qui réunit la petite fille de Swab au comte de Strahl est le songe partagé qu'ils font tous deux à la même minute à des lieues de distance la nuit de la Saint-Sylvestre. Le songe qui les promet l'un à l'autre. Le comte de Strahl l'oublie, Kitchen n'en garde qu'un souvenir confus, mais tout la poussera sur les pas de l'époux que l'au-delà lui a accordé. Elle le poursuivra à travers l'Allemagne comme sa propre fatalité. Elle finit par lui livrer son secret dans une crise de somnambulie. Et la mémoire revient à Strahl. Mais le comte ne peut prendre pour femme la fille d'un armurier. Il l'épousera pourtant parce que son souverain l'aura reconnue de sa descendance. C'est Catherine qu'il a aimée. C'est la fille de l'empereur qu'il épouse. Là réside la méprise et la duperie. Ketchen est morte, et c'est une morte, en effet, qui marche vers l'autel sous ses voiles de mariée. Pour Kleist, l'amour n'existe que s'il est impossible. Voici quelle sera la distribution de la petite Catherine de Hellbrun. Messieurs Jean Chevrier, le comte de Strahl, Jacques Charon, Goltschak, Jean David, l'empereur de Swabe, Paul-Émile Débert, Stein, Pierre Gallon, Gottfried, Georges Vitray, Théobald, Louis Aymon, le prince Otto, Paul Ecoffard, Ernstadt, Jacques Servière, Flamberg, Marco Béard, Jacob Pech, Jacques Ezer, l'archevêque, Jean-Louis Gemma, Freiburg, Gilbert Guiraud, l'estafette, Jean-Paul Roussillon, le valet. Mesdames Louise Comte, Frédéric, Maria Fromet, la récitante, Suzanne Nivette, la comtesse, Jeanne Moreau, Ketchen, Geneviève Martinet, Brigitte, Eliane Bertrand, Lise. Dans une caverne souterraine éclairée par des torches, le tribunal secret de la Sainte Vème tient ses assises. Le président et ses deux assesseurs sont masqués. L'accusé est le comte Heinrich Vetter von Strahl. Le plaignant, Théobald Friedborn, armurier à Hellbrun. « Nous, juges du très haut tribunal secret, nous, substituts de Dieu sur cette terre, nous qui cherchons à punir le crime, là où, terré comme une salamandre, le bras de la justice humaine ne peut le saisir, nous t'appelons à notre barre, Théobald de Friedborn, armurier de Heilbronn, honorablement et bien connu, et te prions de formuler ta plainte contre le comte Heinrich Wetter von Strahl, ici présent. Très haut, très saint et très mystérieux seigneur. Si le comte était venu dans ma boutique pour se faire faire une armure en acier bruni, avec des anneaux, des boucles en or, et qu'il n'eût pas voulu me payer, je n'aurais pas porté plainte devant vous. Mais le comte m'a volé mon plus grand trésor. Il a séduit ma petite Catherine et l'a emporté. Vous, sergent terrestre de Dieu, livrez-le aux flammes de l'enfer et aux malédictions divines. Je l'accuse de basse sorcellerie, de toutes les pratiques de la magie la plus ténébreuse et d'alliance avec Satan. Maître Théobald, pèse bien tes paroles. Une jeune fille du peuple se laisse aisément séduire par un jeune et beau chevalier sans qu'il ait besoin pour se faire de Satan et de ses complices. Il est vrai, noble seigneur, que je ne l'ai point vu parler au feu follet, invoquer le diable, prononcer des formules d'incantation, ni mesurer l'invisible empire de l'air. Mais au simple récit de ce qui s'est passé, vous vous précipiterez aux issues, vous crierez « C'est le diable en personne !» Et à 300 pas à la ronde, vous sèmerez la forêt alentour de vos manteaux de taffetas et de vos chapeaux à plumes. Soit, nous en acceptons l'augure. Soutiens ton accusation, maître Théobald. À Pâques passée, ma petite Catherine allait avoir 15 ans. Qu'il avait vu une seule fois, ajoutait quelques mots pour elle à ses prières, comme on fait pour quelqu'un qui vous a rendu meilleur. Les chevaliers qui traversaient la ville pleuraient de ce qu'elle ne fût pas du sang des rois. Mais le ciel préservait son âme de l'ambition, et elle aimait Gottfried, un jeune villageois du voisinage qui devait l'épouser cette année. Quand le comte de Strahl l'a-t-il détourné de son dessein? Où et comment l'a-t-il fait? Si je savais comment, je ne serais pas devant vous à l'accuser de sorcellerie. Où? Dans mon atelier. Quand? La veille de la Pentecôte, mes nobles seigneurs. En plein jour? En ta présence? J'aiguisais une épée quand il est entré chez moi. Il a bien fallu qu'il baisse à la tête pour passer la porte, à cause de la plume de héron qui ondoyait sur son casque. « Regarde, maître, dit-il. L'impatience de la bataille a fait sauter les jointures de ma cuirasse. Répare-la sans que j'aie besoin de l'ôter. Je le conduis devant l'établi, et je crie d'apporter une collation. Bientôt la porte s'ouvre et ma fille apparaît portant un plateau lourd de jambon, de saucisses et de vin burin. Mais elle n'a pas plutôt aperçu le comte qu'elle laisse tomber sa charge et s'écroule devant lui, joignant les mains comme devant Dieu. Je la relève, elle se replie en deux comme un couteau qu'on ferme. Elle crie, se débat et je ne puis en venir à bout. Le comte s'approche alors, lui prend la main. Et la voilà qui se relève et se tait et s'apaise. Rassuré, je la fais regagner sa chambre et j'achève mon travail. Le comte enfin remonte en selle et comme il s'éloigne, Ketchen, de sa fenêtre à 30 pieds de haut, se jette sur le pavé de la rue. Elle s'est brisée les deux jambes, mes seigneurs, juste au-dessus des rotules d'ivoire. Et c'est moi, dont elle était le support, qui dut la porter. Pendant 6 semaines, le délire même ne lui arrache pas son secret. Puis, le temps aidant, on la guérit et, ô miracle, elle refait ses premiers pas dans sa chambre. Mais un beau matin, au premier rayon du soleil, elle noue son paquet, ouvre la porte. « Où vas-tu ? » lui demande la servante. « Trouvez le comte Wetter von Strahl, » répond-elle, et disparaît. « Quoi ? Abandonnant tout ? C'est bien sa ville et le fiancé auquel elle était destinée? Sans même demander ta bénédiction? Elle a bien pensé à embrasser mes yeux endormis. Mais combien j'eusse préféré qu'elle les fermât pour toujours. Car depuis, elle le suit comme une catin dans sa petite robe courte qui flotte au vent, de prairie en prairie, de vallée en vallée, avec pour chambre comtale la patte de ses écuries. Comte Wetter von Strahl, cela est-il vrai? Cela est vrai, seigneur juge. Elle suit la trace de mes pas et marche sur mon ombre. Comment vous l'expliquez-vous? Seigneur de la Sainte Veine, juge que je ne connais point et dont j'ignore jusqu'au nom. Si le diable se joue d'elle, il se joue aussi de moi et nous n'en sommes que les tristes instruments. Si vous ne croyez pas en ma parole, laissez-moi aller à Worms Priez l'empereur d'ordonner ce vieux fou chevalier. Je pourrai alors lui jeter mon gant. Répondez d'abord à l'interrogatoire. Qu'avez-vous à dire concernant la poursuite dont vous êtes l'objet? Les faits parleront sans moi, seigneur. Il y a 3 mois environ, j'allais à Strasbourg, et l'étape était longue. La nuit venant, j'arrêtai les chevaux à l'orée d'un bois. J'ordonnai d'aménager le campement, et je m'endormis. Je ne pensais même pas à la petite Katchen de Heilbronn en songe, et quand je m'éveille, je la vois étendue à mes pieds. J'apprends en la questionnant qu'elle va à Strasbourg pour affaire, qu'elle a craint de traverser seule la forêt, et qu'elle a cru bon de se mettre sous notre protection. Et désirant faciliter son voyage, je paie un courrier pour la conduire jusqu'à la prairie. Le lendemain soir, je m'apprête à me coucher quand Gottschalk, mon écuyer, pénètre timidement dans ma chambre. « Maître, la jeune fille est en bas et demande une place dans vos écuries. » Je la lui accorde, plus par lassitude que par bienveillance. Et le lendemain, et le surlendemain, ainsi jour après jour, elle nous rattrape ou nous attend et couche parmi nous. Enfin, nous atteignons Strasbourg. Là, je m'aperçois qu'elle ne s'occupe d'aucune affaire, puisqu'elle se consacre uniquement à ma personne. Là, de l'avoir astiqué mes armes et lavé mon linge, je lui demande ce qui la retient tant en cette ville. « Et mon noble seigneur, vous le savez bien, » me répond-elle en rougissant. Je n'ose comprendre, puis j'envoie dire à son père qu'il soit sans crainte pour sa petite Katchen, qu'elle est avec moi, et qu'il pourra dans 15 jours venir la prendre au château de Strasbourg. Alors, le vieillard ne vint-il pas chercher la jeune fille? Il se présente chez moi le 20e jour, et sitôt qu'il me voit, m'asperge d'eau bénite. Je me contrains à ne pas réagir, craignant déjà pour sa raison, et j'appelle Katchen. Elle accourt, mais l'apercevant, elle se jette à mes pieds, me baise les genoux et me supplie de la protéger. À ce spectacle, le vieillard épouvanté s'écrie que je suis Satan en personne et s'enfuit sans tourner la tête. Théobald Freilborn, si le cœur de ta fille s'est donné à lui, est-ce sa faute? Rien jusqu'ici ne l'accuse. N'est-ce donc rien d'avoir perverti à ce point le cœur d'une enfant que devant son père venu de si loin à sa rencontre, elle recule comme devant le diable? C'est bien, mes seigneurs. Remercie-les, et 4 reines de la nuit au parfum de marais, maîtresses des forces démoniaques qui fleurissent sous la laine des sorcières, car tu triomphes grâce à eux. Vous, sève de l'enfer, vapeur pestilentielle, engloutissez l'innocence, la vertu et la foi tout entière. Il n'est plus de place en ce pays pour la justice. Il semble au moins ressortir jusqu'ici que le comte n'a servi aucun breuvage magique à ta fille, aucun de ces opiums dont la puissance secrète enchaîne le cœur dès qu'il les absorbe. Qu'en savez-vous, noble seigneur? Avez-vous bouché les bouteilles dont elle a bu? Étiez-vous sur les routes avec eux? Aux étapes et aux haltes, dans les fenières avec eux? Il n'y eut pas de poison, prétendez-vous. Patientez 9 mois et vous en verrez les effets. Je n'ai à opposer à ces dires que mon nom et ma gloire. Appelez la jeune fille, seigneur juge. Et si elle confirme d'un seul mot une seule de ces accusations, je consens à les perdre tous deux. Garde! Introduisez le second accusé. Katchen est introduite par 2 archers qui lui ôtent son bandeau. Elle aperçoit alors le comte et plie le genou devant lui. Monseigneur, on m'a appelé à comparaître devant toi. Relève-toi. Tu es ici devant le tribunal secret par lequel je suis accusé d'avoir gagné ton cœur au moyen d'artifices diaboliques. Raconte ce qui s'est passé. Ici, jeune fille, s'il te plaît. C'est ici qu'est la barre. Qui sont ceux-là, masqués de la tête aux pieds comme au jugement dernier? Tes juges et les miens. Il n'est d'autre juge que toi? Levez-vous bien vite, vous qui prétendez l'être, et cédez-lui votre place. Car au nom du Dieu vivant, je vous le déclare, son cœur est pur comme sa cuirasse, et le vôtre et le mien en sa comparaison noir comme vos manteaux. Si un crime a été commis, c'est à lui de le juger, et à nous de nous présenter tremblants à la barre. D'où te vient ce ton prophétique, à peine délivré du cordon ombilical? Tais-toi donc, malheureuse. Ainsi tu es venu toi aussi, mon cher père. C'est à la justice que tu appartiens, désormais. Ne me repousse pas. Sais-tu que je n'ai cessé de penser à ces chers cheveux que mon absence faisait chaque jour plus blancs? Patience, ne désespère plus. Si la joie rend à la chevelure sa couleur première, tu refleuriras comme un enfant. Archer, saisissez-la et amenez-la ici. Pèse tes paroles, rappelle tes souvenirs et réponds brièvement à nos questions. De tes réponses dépendront le sort du comte de Strahl et le tien. S'il a perdu son âme, il perdra la vie. Et si tu as perdu ton corps sans l'aide de ses maléfices, ton âme quittera ton corps perdu. Que voulez-vous savoir, mes seigneurs? Pourquoi, quand le comte de Strahl apparut à tes yeux, t'es-tu prosterné à ses pieds? Pourquoi, lorsqu'il s'en est allé, t'es-tu jeté par la fenêtre? Pourquoi, tes jambes à peine guéries, l'as-tu suivi de lieu en lieu, à travers la nuit et les brouillards et les épouvantements, partout où son cheval dirigeait ses pas? Dois-je dire cela, mon vénéré seigneur? On t'a ordonné de t'expliquer, n'est-ce pas assez? Prends-moi la vie si je t'ai offensé. Mais les secrets des plus intimes régions du cœur que Dieu permet, personne n'a besoin de les connaître que toi. Seigneur juge, vous la voyez qui est assez folle pour ne s'en ouvrir qu'à moi. S'il vous plaît de gagner temps et clarté, permettez que je l'interroge. Soit, puisqu'elle se prosterne devant toi comme nous devant le Sauveur, fais-nous profiter de ton pouvoir. Mais prends garde si ton âme est coupable. Poser des questions pour un accusé est plus dangereux que d'y répondre. Vit-on jamais pareille chose depuis que la veine existe? Ketchen, veux-tu me livrer ce secret que tu n'oserais livrer à d'autres et qui t'enchaîne à mes pas? Je te livre mon cœur, ainsi tu pourras y lire. Dis-moi seulement ce qui t'a poussé à quitter la maison de ton père pour me rejoindre. Tu m'en demandes trop. Quand bien même je serais seule ici devant ma conscience, je répondrai encore, je ne sais pas. Tu oses me mentir? Toi sur qui je règne? Est-ce là ta manière de manifester ta soumission? Qu'ai-je fait pour gagner ton cœur? Qu'ai-je fait de ton corps? Réponds. Où, mon noble seigneur? Chez toi, ou ailleurs. Quand? Hier, ou auparavant. Aide-moi, mon noble seigneur. Ne te souvient-il de rien? De tous les pays que nous avons traversés ensemble, lequel est-il le plus présent à ton esprit? Le Rhin, mon noble seigneur. Justement, c'est là où je voulais en venir. Le rocher du bord du Rhin où nous avons fait halte vers le milieu du jour. Et ce qui t'est advenu là, t'en souvient-il? Non, monseigneur. Vraiment? Que t'ai-je offert pour te rafraîchir? Un breuvage que je tirais de mon sac, n'est-ce pas? Comme je n'aime pas le vin, tu envoyas ton écuyer Gottschalk me puiser de l'eau à la source. Oui, mais c'était seulement pour l'éloigner. Et pendant ce temps, j'ai pris ta main dans la mienne et j'ai tendu l'eau à tes lèvres. Quand? À ce moment-là. Non, mon vénéré seigneur. Et plus tard? À Strasbourg. Ou avant? Tu n'as jamais pris ma main dans la tienne. Catherine. Oh, pardonne-moi. Oui, à Heilbronn, quand je suis tombée à tes pieds devant mon père et les apprentis. Et pas une seule autre fois? Non, mon très haut seigneur. Catherine. Tu m'aurais prise par la main une seconde fois? Ou peut-être autrement. Que sais-je? À Strasbourg. Je m'en souviens. Une fois, par le menton. Quand? Quand j'étais assise sur le seuil, il pleurait et ne voulait pas te répondre. Tu pleurais et tu avais honte? N'est-ce pas? À ma proposition, tu devins pourpre jusqu'à la gorge. Que te proposais-je donc? Tu peux le dire. Je te le permets. Tu me demandais si je ne voulais pas retourner à Heilbronn chez mon père, avec les chevaux que tu y envoyais. Parfait. Mais je me suis approché de toi bien d'autres fois encore. Je suis venu te trouver à l'écurie. Tu n'es jamais venu me voir à l'écurie et jamais plus tu ne m'as touché. Jamais plus? Non, mon noble seigneur. Catherine! Jamais plus, mon très vénéré seigneur, jamais plus. Menteuse! Je veux être damnée si... La voilà qui jure et se parjure et se damne. Crois-tu que Dieu te pardonne cette insouciance? Que s'est-il passé il y a 5 jours, le soir, dans mon écurie, quand Gottschalk se fut éloigné? Oh, Seigneur Dieu, je n'y pensais pas. Dans l'écurie du château de Strahl, là, tu es venu me trouver. Enfin, voilà qui est avoué. Était-il besoin de te faire parjure pour en arriver là? Vous tourmentez cet enfant. Oh, viens avec moi. Partons, j'en tire ma plainte. Je ne puis te voir ainsi. Trop tard, maître Thomas. Laisse-moi. Vous verrez que finalement, il ne se sera rien passé dans l'écurie du château de Strahl. Par Dieu, Seigneur, telle est bien la vérité. Ordonnez et nous nous séparons. Pas encore. Interrogez l'enfant, mais ne l'accablez pas de cruels sarcasmes. Si la nature vous a fait don d'une telle puissance sur elle, la façon dont vous en usez est plus odieuse encore que la magie infernale dont on vous accuse. Je ne l'ai humiliée que pour la relever plus triomphante devant vous. Si vous la croyez innocente, remettez-la en liberté et rendez-moi la mienne. Nous aimerions bien auparavant apprendre ce qui s'est produit un certain soir dans l'écurie du château de Strahl. Cela est-il nécessaire? Absolument. À genoux, Ketchen. Vous êtes bien hardi, comte Peter Strahl. Ne bouge plus. Parle sans crainte. Je suis seul ici. Et tu l'as dit, tu n'as pas d'autre juge que celui auquel ton âme se soumet librement. Nous ne vous permettrons pas. Vous ne pouvez rien m'interdire puisque vous ne savez rien lui ordonner. Hola, les gardes! Paix, mes amis! Oubliez-vous son rang? Laissons-le terminer cet interrogatoire qu'il mène d'ailleurs avec adresse. Heinrich von Strahl, faites-lui dire ce qui s'est passé il y a quelques jours, le soir, dans votre écurie, quand Gottschalk se fut éloigné. Faut-il te répéter la question ? Pardonne-moi si ma mémoire ne m'a pas été fidèle. Maintenant, je vais tout te dire. Alors, qu'as-tu à hésiter ? Je te serrai contre moi et te caresser, et te donner des baisers. N'est-ce pas ? Non, mon noble seigneur. Vraiment ? Et que fis-je donc ? Tu me repoussas du pied. Moi ? Je t'aurais repoussé du pied ? Je ne traite même pas mes chiens ainsi. Je n'étais pas ton chien et tu l'as fait, mon noble seigneur. Et pourquoi cela ? Parce que mon père étant venu me chercher, je te suppliais, sans savoir ce que je faisais, de me protéger contre lui. Simple comédie, n'est-ce pas ? Pour tromper ton père. Tu n'en es pas moins resté au château de Strahl. Je ne suis pas restée au château de Strahl. Où es-tu donc allée t'abriter pendant ces 5 derniers jours ? Quand tu as décroché ton fouet, j'ai franchi le seuil et j'ai couru longtemps. Je suis arrivée au mur d'enceinte, à l'endroit où il s'est effondré. Un bouquet de genévrier était là, et dans le genévrier, un oiseau qui chantait. J'en ai fait mon château à moi. Et après ? Au bout de 3 jours, tu m'envoyais à Gottschalk pour me dire que j'étais ta chère petite Kitchen, mais qu'il me fallait rejoindre mon père. Que répondis-tu ? Je répondis que si tu souffrais un serin dans ton genévrier, tu pouvais bien y souffrir aussi, la petite Kitchen de Heilbronn. Merci, Catherine. Et maintenant, Seigneur, rendez votre sentence et faites de nous ce qu'il vous plaira. Mes compagnons, nos jugements, je crois, sont assez mûrs pour passer outre aux délibérations. En conséquence, nous allons, si vous le voulez bien, recueillir les voix. Héros de la Sainte Vème, ton casque et passe parmi nous. Heinrich Vetter von Strahl, Catherine Friedborn, la Sainte Vème vous acquitte à l'unanimité et intime à toi, Maître Théobald, de n'y avoir recours désormais que nanti de preuves formelles. Mes compagnons, la séance est close. Quoi ? Vous l'acquittez, le Seigneur ? Celui qui de l'innocence fait le crime, de la candeur la lubricité, vous l'acquittez ? Archer de la Sainte Vème, remplis ton office. Bande-lui les yeux et reconduis-le en rase campagne. En rase campagne, moi ? Un vieillard sans aide. Et mon enfant, qu'allez-vous faire de mon enfant ? En ce qui la concerne, la Vème s'en remet à vous, comte de Strahl. Vous avez montré maintes fois le singulier pouvoir que vous avez sur elle. Avant de nous quitter, rendez-la à son vieux fou de père, si Dieu vous le permet. Soit. Jeune fille. Mon très noble seigneur. M'aimes-tu ? De tout mon cœur. Daigneras-tu faire quelque chose par amour pour moi ? Mourir si tu le désires. Je n'en exige pas tant. Seulement que tu cesses tes poursuites et que tu retournes à Heilbronn. C'est une faveur que je te demande. Je te le promets. Kitchen, ma petite fille, ma petite fille. Ton bandeau, garde. Et partons. Oh, sois maudit, toi, esprit de basilic dont le regard donne la mort. Sois maudit. Qu'est-il arrivé, messieurs ? Elle est tombée. Allons, emmenez-moi. En enfer, Satan ! Que les portiers aux chevelures de serpents te précipitent 1000 toises plus bas que le foyer aux flammes les plus dévorants. Tais-toi, vieux fou, ta fille n'est qu'évanouie. Catherine, Catherine, ma petite Catherine. Elle rouvre les yeux, elle revient à elle. Hélas. On la porte dans la demeure du veilleur. Venez, mes amis, allons-nous-en. Thank you. Les yeux bandés, les mains liées derrière le dos, le comte von Strahl est reconduit par deux archers de la Sainte-Vème, loin de la caverne du tribunal secret. C'est une clairière qui s'offre à ses yeux quand les archers le délivrent. Vous voilà libre, seigneur. Libre. Libre de quoi, beaux archers? Plus prisonnier de mon nom que du plus noir cachot. Je ne puis même pas disposer de mon cœur. Non, même pas de mon cœur, petite Catherine. Et je ne t'emporterai pas dans le lit carré que ma mère a préparé là-bas, au fond de l'appartement d'honneur. Est-ce donc si difficile de n'être point grand seigneur? Et la carrière de simple berger est-elle si malaisée? À qui tu peux appartenir? Pourquoi délaisser vos cadres dorés, portraits de mes aïeux qui peuplaient ma salle d'armes? Pourquoi vous rassembler à l'affût autour de moi? Allez, regagnez vos prisons d'or et continuez-y votre ouvrage qui est de combattre, de sourire ou de rêver. Je ne vous trahirai pas. Elle ne sera pas ma femme, bien que je l'aime encore, comme si elle devait l'être. Elle ne sera pas ma femme, car toute blessure ici-bas se ferme. Mais si jamais je trouve ta pareille, Catherine, je parcourrai le monde. Et j'apprendrai tous ces langages pour remercier Dieu. Dieu soit loué, mon maître. Enfin, je vous trouve. Un messager de madame votre mère est arrivé. Un messager? Oh, sur mon âme, si votre château avait été un arc et lui une flèche, il n'aurait pu arriver plus vite. Que me veut-il? Le voici, seigneur. Qu'est-ce donc qui t'a appris à te hâter, Flamberg? La guerre, excellence. La guerre? Et déclarée par qui? Le comte de Stein, dont le château se mire dans le Neckar. Qu'ai-je à faire avec lui? Qu'aviez-vous à faire avec les autres? Si vous n'éteignez la petite étincelle grecque qui allume ces batailles, vous verrez surgir devant vous le Hunsruck, les monts de Souabe et les Alpes. Pour aujourd'hui, c'est Stein que vous avez contre vous. Les hommes de Stein, les armes, la tactique de Stein. Mais supérieure à la volonté de Stein, une volonté qui ne vous est déjà que trop connue. Celle de Frédéric de Turneck, n'est-ce pas? Toujours elle. A-t-elle donc apprivoisé tout leur royaume pour le lever contre moi? Tant que je n'aurais pas empoisonné la neige de Mars avec laquelle elle lave sa jolie frimousse, instigatrice de tout le mal, n'aurais-je donc pas la paix? Tant qu'elle respirera, seigneur, vous aurez la guerre. Sept chevaliers du plus haut rang vous l'ont déjà déclaré pour lui plaire, et l'ont perdu. Cela ne fait qu'une défaite sur leur blason. Cela en fait sept sur le sien. Mais elle ne renoncera jamais à ses ambitions. Elle vous réclamera toujours ces 17 villages de Stauffen, auxquels elle prétend avoir droit. Elle brandira toujours comme un drapeau de justice ces documents forgés dans l'officine des faussaires. Ses désirs l'irritent d'autant plus que leur objet lui échappe, et ses déceptions ne font qu'aviver sa colère. Elle vous sait fatiguée par 3 ans de lutte contre des ennemis toujours renouvelés. Elle vous croit à ses merci, elle promet ses faveurs à qui vous écrasera, et une plus tendre victoire à votre vainqueur. Prenez garde, seigneur. Préparez-vous sur l'heure au combat. Peut-être trouvera-t-elle encore d'autres princes en rute dans le Saint-Empire romain germanique. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, au cœur d'un orage furieux, 3 chevaliers parcourant la montagne mettent pied à terre devant une hutte de charbonniers. Descendez-la de cheval! Tombe où tu voudras, foudre céleste, mais ne brûle pas un cheveu de Frédéric de Turneck! Où êtes-vous, mais? Devant la cabane! Vite ou jamais, pareille nuit! Second déluge de l'histoire, Freiburg! Pardieu, qu'attendez-vous? Amenez-la! Elle est comme morte, seigneur! Elle a toujours eu un penchant pour les farces. Elle se tait, crainte de perdre ses fausses dents. Dites-lui que Freiburg a compté ses vrais. Hola! Ouvrez! Qui frappe? Pas de questions, charbonnier. Ouvre! Ne dirait-on pas que c'est l'empereur en personne? Si je n'ai pas de sceptre, j'en pourrais arracher aux arbres pour te bâtonner. Pas de lumière, marron! Que voulez-vous? Ta hutte pour la nuit. Qui êtes-vous? Des chevaliers qui venons de Jérusalem, et cette dame qu'on porte enveloppée dans mon manteau, et... Hurle donc à faire crever les nuages, toi, là-haut! que nous ayons la paix. De Jérusalem, dites-vous? Assez de discours, c'est ma femme, entendu? Ma femme, malade, à moitié assommée par la grêle. Et si tu ne l'accueilles pas, je t'assommerai de même façon. Partons en paix, il y a toujours une place ici, mes seigneurs. Ne serait-ce que pour les chiens de l'empereur. Isaac, polisson, étendez la paille. Et sur la paille des couvertures, nous ferons une grande table. Tout de suite, maître. Qui parle là? Un blondin de 15 ans, mon apprenti. Suis-les, Schauermann. Et veille bien mon épouse. Prends garde que ces liens ne se délient. Quand l'aube poindra, je t'en parle. Et voilà. Maintenant, Georges, je suis le plus heureux des hommes. Nous la tenons enfin. Nous la tenons, la belle Frédérique de Turnec. Et par le Saint-Empire, je ne la laisserai pas s'échapper. Dussé-je en perdre ma part de paradis. Il est dommage que tu ne te sois pas rendu à mon premier appel. Tu aurais assisté à sa capture. Tu l'aurais vu qui s'en venait pareil à une figure de la fable, fière comme une amazone, belle comme l'âme qui devrait habiter une telle apparence. Où l'as-tu prise? À 5 lieues du château de Stein, où depuis 3 jours, le comte la fêtait. Son escorte l'avait à peine quittée. Son cousin Wolfgang ne lui fut qu'un faible rempart à qui je fis mordre la poussière. Et elle fut toute seule devant moi. Proie facile, et combien tentante que j'ai couché en travers de mon cheval pour ma plus belle chevauchée. Pourquoi tant de haine, Freiburg? L'heure de la vengeance sonne enfin cette nuit. Je l'aimais, et je fus dédaigné. Je fus dédaigné, et elle n'était pas digne de mon amour. Combien mes hommages et mes tendres assiduités maintenant m'humilient et me pèsent. Le plus bel amour de ma vie ne fut pour moi qu'une longue insulte. Et évidemment, tu ne peux encore comprendre. Tu n'es ici qu'un spectateur étonné qui me blâme plutôt qu'il ne m'approuve. Et tout cela m'est si difficile à dire. Essaie donc de m'entendre à demi-mot. Quand le diable serait en mal d'invention, qu'il demande donc conseil à un coq qui a vainement tourné autour d'une poule, attiré par le fallacieux manège, pour s'apercevoir au bout de 1000 tours qu'elle est dévorée de l'air. Quoi? Et incapable de le satisfaire. Que dis-tu? Plus rien. Rien que cela. Je ne toucherai pas un cheveu de sa tête. Je ne me tacherai pas les mains de son sang. Mais je la ramènerai à ce Benet de Stein, et dans la salle d'honneur, devant le peuple et la noblesse réunis, je la dévêtirai. Alors, nous aurons de quoi philosopher. Tais-toi. On vient, il me semble. Tu as raison. Quelqu'un là descend de cheval. Baisse ton casque. Qui peut-ce être? Hola, quelqu'un! Une nuit à aller demander asile aux loups dans leur tanière. Ouvrez! Ouvrez! Pardon, messieurs. Mais qui que vous soyez, vous n'entrerez pas ici. Vraiment, Gumdal? Et pourrait-on savoir pourquoi? Parce qu'il n'y a de place à l'intérieur pour personne. Ma femme mourante s'y est installée avec sa suite. J'ose espérer que votre galanterie se résignera à ne pas la déranger. En ce cas, nous nous inclinons. Mes prières seront consacrées ce soir à votre épouse pour son prompt rétablissement. Je vous devrai donc un double merci. Ocha! Une nuit de plus à la belle étoile. Et quand je dis la belle étoile... Ocha, Maro! Où es-tu donc? Oh, me voici, maître. Apporte les couvertures, nous coucherons sous la ramée. Oh, le diable seul sait quel genre d'auberge nous venons d'approcher. Le petit raconte que dans la cabane, un homme d'armes veille sur une jeune fille, bâillonnée et garrottée comme un veau qu'on mène à l'abattoir. Quoi? Une jeune fille bâillonnée? Parlez plus bas, messeigneurs. Ces hommes l'ont amenée qui sont assis là, et s'ils m'attrapent... Ils ne t'attraperont pas. D'où tiens-tu cela? J'étais couché quand ils demandèrent asile pour elle. Ils prétendirent qu'elle était malade. Mais ils n'éteignirent pas la lanterne assez tôt, et j'ai bien eu le temps de voir qu'ils mentaient, qu'elle avait les joues fraîches comme Louise, notre servante. Et j'ai vu ses liens, j'ai vu son baillon. Resté seul avec nous, son garde négligea ces deux petites lumières qui étaient ses yeux. Il eut bien tort, car tourné vers moi, ils m'ont dit « Délivre-moi, gamin, délivre-moi !» Tu vas le faire, garçon, entends-tu? Kotchak! Maître? Prête-lui ton poignard. Non, non, il me tuerait! Voyez, voyez, ils se lèvent, ils viennent! Calme-toi, petit. Ils changent seulement de place à cause de la pluie. Les arbres ne leur sont plus des manteaux suffisants. Regardez! L'homme qui la surveillait vient les rejoindre. Il s'est aperçu que je me suis enfui par la lucarne. Tais-toi. Écoute. Il vient de s'endormir. L'apprenti aussi doit sommeiller dans un coin et le vieux dort au-dessus. Nous n'avons rien à craindre. Écoute-moi, petit. Maintenant, tu vas entrer dans la cabane comme tu en es sorti. Oui. La délivrer et la conduire ici. N'aie pas peur, nous nous occupons du reste. Mais... Va, va, tu seras récompensé. Vite. Je voudrais bien savoir de quelle étrange maladie souffre cette dame. Chevalier de Belzébuth, dont l'équipage est fait de nuit, nous vous réservons une surprise. Tenez-vous prêts. Par ma foi, voilà d'étranges jeunes mariés qui ne sont unis que par des cordes et qui, dès ce soir, par nos mains, vont connaître le divorce. Entendez-vous? Quel est ce bruit? Tu l'avais donc délié? Mais non, par le diable! Allons, debout, vous autres! Mais c'est cela, debout, et si vous daignez faire connaissance avec mon frère, en garde! La porte s'ouvre et sur le seuil resplendissante s'immobilise Frédéric de Turnec. Quel est le traître? Protégez-moi, messieurs, protégez-moi, je vous en supplie! Mais dites-le, qu'attendez-vous donc? Qui la touche est un homme mort! Cette affaire me regarde seul, et ma femme! Ta femme? Menteur! Jusqu'à nouvel ordre, cette dame est la mienne, puisqu'elle s'est mise sous ma protection. Orgueilleux qui prétend interposer entre deux époux! Il n'est pas mon époux! Et qui es-tu, ravisseur? Qui a tissé avec le diable des liens que Dieu t'a refusés? Des torches, par le ciel, des torches! Il est encore temps de fuir, Freiburg. Je ne veux pas assister qui, déjà aujourd'hui, a déshonoré son blason. Si tu ne me suis, je m'en vais seul. Je n'ai pas besoin de nourrice. Une dernière fois, ton nom! Lève donc ta visière que je vois ce joli visage. Prends garde! Sais-tu que j'ai le moyen de te reconnaître? Et vivement, d'un revers de main, Strahl lui arrache son casque. Vetslav, jette à terre cet impudent! Dégaine si tu l'oses! Insensé, tu l'auras voulu! Adieu, Max! À nous deux! Imposteur et sacrilège! Tu regretteras ton injure. Tiens. Retourne en enfer, il passait ta lune de miel. Ils l'ont tué, fuyons. Rejoins-les, Flamberg, et frappe juste. Ta torche, charbonnier. Voilà, monseigneur. Merci. C'était toi. C'était toi. Mais qui cela, maître? Freiburg. Le burgrave de Freiburg. Un infernal renard. Un ami des plus chers, madame. Que t'importait cette jeune fille? En es-tu contre elle? Pourquoi? Le sang emplit sa bouche et lui interdit de mentir. Qui du sang ou du mensonge étouffera le premier? Allons, venez à mon aide. Tu le soigneras malgré tout, charbonnier. Soulève-le, que nous le portions dans ta cabane. Dans une fosse et sans cérémonial. Qu'il meure comme il a vécu, dans l'ordure. Sa vie s'achève peut-être, madame. Votre colère ne pourrait-elle l'imiter? S'il plaît à mon sauveur. Qu'avez-vous? Pourrais-je boire un peu d'eau? Gorchak. Oui. Asseyez-vous là, sur ce rocher. Que puis-je faire pour vous, madame? Oh non, laissez. La lumière revient à mes tristes yeux. Voilà l'eau, mon maître. Les buvez cela. Quel malaise vous a donc pris? Oh, la seule pensée des outrages que me réservait ce monstre hypocrite me fait encore défaillir. Parlez. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas obligé une suivante. Et ce m'est une grande joie, mon sauveur, de vous dire un nom digne de votre courage. Tous mes parents, mes amis, vous remercieront encore chez moi où je vous invite de m'avoir conservé une vie qui m'est si douce. Je suis Frédéric, baronne de Turnec. La Turnec, elle est prise! Quoi, c'est impossible! Vous ne pouvez être celle que vous nommez! Suis-je donc si différente à imaginer? Pour moi, oui, madame. Je suis Heinrich Wetter von Strahl. Dieu! Oh, comme vous m'éprouvez. Mon libérateur serait donc celui qui, par toute la soif, cherche à me faire captive? Vous l'avez dit. Quand un sentiment profond est né dans un cœur sincère, l'énoncé d'un seul nom ne saurait l'abolir. Et je vous suis reconnaissante de m'enchaîner. Toi, cher enfant qui m'a délivrée, approche et reçois cet anneau de ma main. Un jour, peut-être, récompenserai-je mieux ton cœur et ton dévouement. Mais pour l'heure, et sans doute pour longtemps, c'est tout ce dont je dispose. Merci, madame. Quant à vous, mon maître, qui avez risqué votre vie pour sauver votre ennemi, recevez en gage de gratitude cette liberté que vous m'avez rendue ce matin et qui vous offense tant. Il était écrit que cette nuit me verrait deux fois prisonnière. Je ne saurais résister à la volonté de Dieu, et je suis prête à vous suivre dans votre fief. Nous y serons dans une heure. Ne craignez rien. Je marcherai sans idée d'évasion vers vos cachots. Il n'y aura point de cachot pour vous, madame. Sous quel nom, à Wetterstrahl, déguisez-vous les prisons? Un appartement y sera préparé avant l'aube, selon votre goût. Venez. Thank you. En effet, l'appartement réservé pour Frédéric de Turnec au château de Strahl n'avait rien d'une cellule. Frédéric jouissait à l'intérieur des remparts d'une liberté totale. Elle avait pu faire venir sa suivante, et un jour, Brigitte, sa gouvernante, lui rendit visite. Maintenant, tu peux parler, ma bonne Brigitte. Cela me distraira. Que se passe-t-il à Turnec ? À Turnec, rien, madame. On s'étonne seulement que le comte ait fait appel à votre suivante, à moi ensuite, et d'une si douce réclusion. Mais ici, il n'en va pas de même. Je ne m'attendais certes point à l'accueil d'une ville en liesse. Ce n'est pas l'arrivée d'une captive que l'on fête, mais bien plutôt celle d'une épouse. Le peuple entier devine que c'est vous qui le tenez prisonnier. Il lui souvient d'une prophétie qui n'est pas loin de se réaliser. Oui, maîtresse, ouvrez vos oreilles et que la joie revienne sur votre visage. Je vous apporte la plus merveilleuse nouvelle que vous étiez en droit d'attendre. Quelle est-elle ? Que raconte ce peuple d'âne ? L'an dernier, le comte tomba malade et de la maladie dans le délire. Les médecins l'abandonnaient. Ses plus chers secrets lui venaient aux lèvres. Ce dont il mourait, maîtresse, c'était d'amour, d'amour perdu. Car il n'en jugeait digne personne. Son cœur avide ne trouvait assez pur nulle source. Et le comte périssait de cette soif-là. Mais le soir de la Saint-Sylvestre, au moment précis où l'année change de nom, il se dressa sur sa couche et cria « Mère, mère, mon casque, mon épée, ma cuirasse !»« Où veux-tu aller ?» lui demanda doucement la comtesse. « Mais vers elle, elle m'attend !» Puis il s'affaissa de nouveau comme mort. Et ils écoutèrent à sa poitrine, c'était silencieux comme une chambre vide. Et ils lui mirent une plume devant la bouche, elle ne remua pas. Et ils lui crièrent son nom dans l'oreille, et ils l'irritèrent avec des parfums, les gratinières avec des pointes et des aiguilles, rien n'y fit. La mort était sur lui que lui seul souleva. Oui, peu après, il se redressa pour crier « Retirez-vous, vos flambeaux m'empêchent de la voir !» et s'éveilla. Il dit à sa mère « Va faire prier pour moi dans toutes les églises, car je veux vivre pour mon amour. » Le lendemain, il était à la chasse. Ce qu'il avait vu pendant cette nuit terrible n'était rien autre qu'un ange. Un ange qui le prit par la main et le conduisait à travers les ténèbres dans une chambre inconnue. Une jeune fille y reposait. Elle s'éveilla à son entrée et quand elle l'eut vu, sauta de son lit pour se prosterner à ses pieds. Et le comte n'avait Dieu que pour cette nuque qui se pliait devant lui, et sur cette nuque que pour un signe, le signe qu'ont toutes les filles du sang, le signe divin et impérial. C'est alors que dans la chambre de son rêve on fit la lumière et que dans la sienne il s'éveilla. Tout le monde le sait ici que vous descendez des empereurs saxons. Tout le monde le devine que vous n'êtes pas indifférente à ce vénérable seigneur. Tout le monde est sûr qu'il ne manque plus que la voix des cloches pour répondre oui au ministre de Dieu. Allons, maîtresse, ne vous désespérez plus. Le jour descend, la nuit étend son ombre, mais les flambeaux des fêtes vont s'allumer. Prends ces boucles d'oreilles en souvenir de moi et va te reposer, ma bonne Brigitte. As-tu bien rassemblé tout ce que je dois donner au comte, Lise ? Tout est là sous enveloppe, madame. Tiens, regarde. Ce gluau que j'ai attaché hier à la fenêtre. Un oiseau l'a frôlé. Celui que je guettais. Qu'était-ce ? Un rouge-gorge ? Un passereau ? Un serin. Voyez, il a laissé une plume. Il en laissera d'autres. Et j'aurai bientôt l'oiseau tout entier. Monsieur le comte Wetter von Strahl et madame la comtesse, sa mère. Qu'ils soient les bienvenus. Laisse-nous, Lise. Vénérable mère de mon sauveur, à quelles circonstances dois-je le plaisir de baiser votre main ? Vous me confondez, mademoiselle. Je ne venais vous demander comment vous vous trouviez sous mon toit. Je n'avais mérité que votre haine et vous avez pris soin de moi comme de votre fille. Seul ce trop de générosité m'embarrasse. Comment va votre main gauche, comte Heinrich ? La question me touche plus que la blessure. Tu t'es blessé, mon fils, et tu ne m'en avais rien dit. Je suis seulement écorché en l'aidant à descendre de cheval. Notre hôtesse. La main, elle-même, voyez-vous la oublier ? Très gracieuse dame, ne daignez-vous pas vous asseoir. Avez-vous songé à votre avenir, mademoiselle ? Examinez la situation où le destin vous a jeté. Et enfin, pour tout dire, pris un parti. Mon avenir ne saurait m'inquiéter plus longtemps. Je compte passer près des miens les jours qui me restent à vivre en vous bénissant. Ne vous semble-t-il pas que c'est un étrange oubli d'oublier ce qui s'y oppose ? Plus rien ne s'y oppose, madame. Je m'explique d'un geste. Recevez ceci de moi, comte Heinrich. Peut-on savoir ce que c'est ? Les documents sur lesquels j'ai basé mes revendications quant aux 17 villages de Stoffen, actuellement en votre possession. Madame, s'ils attestent un droit quelconque sur mes terres, je ne puis prendre celui de vous en priver. Avouons donc, il me semble assez équivoque. D'ailleurs, fût-il clair comme le soleil, Je ne saurais plus en user contre vous. Ma joie est grande, madame, de vous entendre ainsi me proposer la paix. Je l'accepte de tout cœur, mais non les pièces qui peuvent appuyer vos prétentions. Portons notre affaire devant l'empereur. Faisons-en étudier les éléments avec l'art et soyez assurés de notre amitié, quel que soit le jugement. Mais ce droit est ma propriété. Pour en disposer, point de mes besoins d'en demander à quiconque la permission. Oh non. Délivrez-moi de ces funestes babiers qui me brûlent les doigts. Je n'ai plus y consentir. Vous n'aurez donc même pas ce souvenir de moi. Elle déchire les lettres et les jette au feu. Madame, qu'avez-vous fait ? Je veux que plus rien désormais ne blesse le sentiment qui m'anime. Je veux que la muraille qui me sépare de vous tombe. Je veux passer toute ma vie à vous rendre grâce. Puissiez-vous ne jamais regretter votre geste ? Quand pourrai-je retourner à Turnec ? Quand il vous plaira. Alors, demain ? Je vous aurais volontiers vu chez moi plus longtemps. Nous nous reverrons à Turnec si vous daignez y venir. Ce soir, cependant, acceptez un dîner d'adieu. Oh, avec joie. J'espère vous en offrir un d'accueil très bientôt. Je vais me préparer au vôtre. Savez-vous, mère... Que tu veux en faire ta femme ? Oui. Je voudrais tant qu'elle ne vous déplaise point. Moi aussi. Vous la détestez donc ? Pas absolument. Elle est de la race des empereurs. Et le rêve de la Saint-Sylvestre parle en sa faveur, n'est-ce pas ? Pourquoi le cacherais-je ? Tu as toujours eu des nuits très agitées, mon enfant. Que voulez-vous dire ? Qu'il faut réfléchir un peu. Tandis que Strahl se plaît à l'idée d'épouser sa captive, la petite Catherine, son fiancé Gottfried et le vieux Théobald se dirigent tristement vers un monastère. Prends garde, Katchen. Une crevasse. Si je savais où trouver une rose, je te le dirais. Allons, viens. Depuis la croisée des chemins, je m'attends à voir apparaître deux anges qui nous diraient « Allez-vous-en maintenant, Théobald. Allez-vous-en, Gottfried. C'en est fini de la petite Katchen sur cette terre. Elle nous appartient qu'il amenons à Dieu. Mais je crois bien que tu ne l'as pas prévenue de ton voyage, car voilà la porte du couvent et je n'ai encore rien vu. » Quel calme. On entend le coup de bec des pics. Qui sait, des oiseaux peut-être écoutent ses pensées. Comme je voudrais me dissoudre dans l'air pour les connaître. Elle aurait détourné Israël de David et inspiré de nouveaux psaumes à son peuple. Et il faut la quitter. Katchen. Mon cher père. Dis un mot. Sommes-nous arrivés ? Voilà les tours. Et voilà la porte. Là-bas, les cellules où l'on meurt en entrant. Je suis si lasse, père. Assieds-toi, mon enfant. Regarde, c'est le plus bel endroit que je vis jamais. Tu étais si vive jadis, ma fiancée. Tu pouvais faire des lieux et des lieux par les champs, les forêts, sans te reposer. Et maintenant... Veux-tu boire ? Je connais une source à deux pas d'ici. Il y a aussi des baies sauvages. Te souvient-il ? Tu les aimais tant. Veux-tu que j'aille t'en cueillir ? Je vous remercie. Tu refuses tout ce que nous te proposons. Tu ne désires qu'une chose. C'est que j'aille dire au prieur Atto, le vieux Théobald est là qui vous prie de faire toute démarche nécessaire auprès des Ursulines pour enterrer son unique enfant. Mon cher père. Le monde n'a-t-il donc plus de charme pour toi ? Et crois-tu que Dieu saura vraiment tenir auprès de toi les places de père, de mari et d'enfant ? Pour la dernière fois, pose-toi la question et réponds-y sincèrement. J'en suis sûre. Et si tu retournais quelques semaines au château de Strahl, près du Genévrier, là où tu aimais reposer, pour y réfléchir un peu ? Non, mon cher père. Pourquoi ? Parce que l'idée vient de moi. Parce que le comte, mon maître, me l'a défendu. Et si j'allais le prier, moi, de te le permettre? Que dis-tu? Si je le suppliais de t'accorder cette place où tu te sentais si bien. Non, mon cher père. Pourquoi pas? Tu ne le feras pas. Et si tu le faisais, le comte ne le permettrait pas. Et si le comte me le permettait, c'est moi qui me le défendrais. Calme-toi, mon enfant, calme-toi. Et maintenant, je ne veux plus aller au cloître. Et maintenant, je veux retourner à Heilbronn et épouser qui tu voudras. Mon lit nuptial dut-il être mon tombeau? Pardon, Catherine. Tu n'as rien à te faire pardonner. Allons. Le soir tombe. Frappe à la porte. Demande au prieur qu'il nous prépare un lit pour la nuit. Et demain, nous retournerons à la forge. Loué soit Jésus-Christ, dans les siècles des siècles. Que la paix soit avec vous. Mais si Ketchen semble avoir renoncé à son amour, Frédéric de Turnec à ses exigences, le comte de Stein, qu'elle avait sollicité pour porter la guerre à Fetterstrahl, n'a renoncé à rien. Inquiet de l'attitude de celle qu'il adore, il est pourtant resté l'arme au pied. Entouré de son avant-garde, il s'arrête devant une auberge. Dessinez les chevaux. Placez des sentinelles alentour dans un rayon de 300 pas. Laissez entrer qui veut, mais sortir personne. Double ration chevaux. Restez dans les écuries et montrez-vous le moins possible. Quand Eginhard reviendra de reconnaissance, prévenez-moi. Et l'homme, qui habite ici? Ma femme et moi pour vous servir, monseigneur. Et là? Des bestiaux. Quoi? Des bestiaux, une truie et sa portée, monseigneur, pour vous servir. Autrement dit, c'est une étable, monseigneur. Une étable à pourceaux, couverte de lattes. Qui habite là? Où? Derrière cette troisième porte. Personne pour vous servir, monseigneur. Quoi? Non, monseigneur. Personne, ou plutôt aussi, tout le monde. Oui, monseigneur, tout le monde, pour vous servir. Elle mène en plein champ. Bon, comment t'appelles-tu? Jacob Pêche, pour vous servir. Bien, Jacob Pêche, va-t'en. Bien, monseigneur. Le voilà bien l'endroit rêvé, Arnstadt. Je vais me tapir ici, comme une araignée au point de me confondre avec la poussière. Et quand elle sera dans ma toile, mon poignard est affûté. Je n'attends plus que mon amour. En vérité, elle fera un beau squelette à conserver dans mes combles comme monument à la parfaite catin. Tu te hâtes trop, Stein. Et Eginhard n'est pas encore de retour de Turnec. Rien n'est vrai, peut-être, de ce qu'on t'a fait savoir. De sa propre main, elle m'écrit qu'il n'est désormais plus besoin de m'occuper de ses intérêts, puisque ce bonnet de Strahl lui a offert les 17 villages de Staufen sans nulle contrepartie. Si tout cela est honnêtement explicable, je l'accepterai sans récrimination. Mais si Eginhard vient me dire ce que déjà la renommée m'assure, que cet étonnant présent est le présent d'un fiancé à sa fiancée, alors je plierai ma gentillesse en deux comme un calife. Et je lui ferai payer les frais de guerre à ma façon. Le comte Eginhard von der Wart est arrivé, seigneur. Salut à toi. Que se passe-t-il à Turnec? Tous les bruits qui courent sont vrais. Ils voguent à pleine voile sur la mer Amour. Et avant que la lune ne change, ils aborderont au port du mariage. La foudre tordra leurs mains avant qu'ils ne l'atteignent. J'en fais serment. Si les regards peuvent parler, les jeux de physionomie écrire, et les serments de mains scellés, le contrat de mariage est prêt. Comment lui a-t-il fait la donation? À l'aube de son anniversaire, dans Turnec, où elle le reçoit. Le jour n'était pas encore levé, ses yeux pas encore ouverts, que le document se trouvait déjà sur ses couvertures, accompagné de l'assurance que c'était la cadeau de fiançailles, si elle le voulait bien. Et elle a accepté, naturellement. Elle a accepté la donation et n'a pas refusé la main. Mais quand la cloche sonnera, elle ne tiendra pas parole, peut-être. Vous n'aviez pas donné émission de m'enquérir d'éventualités improbables? Qu'a-t-elle répondu exactement? Une lettre des plus ambiguës qui, comme un taffetas chatoyant, montre deux couleurs et ne dit ni oui ni non. C'en est fait. Sa sorcellerie mourra de ce tour de passe-passe. Elle m'a promis sa foi. Il n'a fait que faux serment. Avec moi s'achève la série de ceux qu'elle a bernés. Où sont les estafettes? Hola, vous autres! Seigneur. Prenez ces deux lettres et portez-les toi au père Atto, prieur des Dominicains. Dis-lui que j'irai à 7 heures du soir environ recevoir l'absolution dans son monastère. Bien, monseigneur. Toi, à Peter Quantz, majordome du château de Turnec. Tu lui diras qu'à minuit sonnant, je serai devant les portes avec ma troupe. Ne te laisse voir par personne. Ne t'introduis qu'à la nuit tombante. Pour toi, tu n'as pas à redouter la lumière du jour. Est-ce compris ? Oui, monseigneur. Allez. Et là, il n'y a pas eu confusion, j'espère. Non, monseigneur. Redonnez pour plus de sûreté. Dieu du ciel, qui les a cachetés ? Vous-même, monseigneur, et vous les avez sortis de poches différentes. Ah oui. En ce cas, je n'ai pu me tromper. Alors reprenez-les, faites vite. Je vous attendrai au moulin près du torrent. Oui, bien, monseigneur. Suis-moi, Ernstein. Mais Stein s'est trompé, et la lettre destinée au majordome du château de Turnec sera remise au père Atto, prieur des Dominicains. Strahl, en effet, avait accepté l'invitation de Frédéric. Il est son hôte. La nuit est tombée sur le château de Turnec. Dans son appartement, le comte berce sa mélancolie en jouant du luth. Goldschak fourbit des armes. J'avais interdit qu'on me dérange. Qui peut ça être ? Qui va là ? C'est moi, Goldschak. C'est moi, mon cher Goldschak. Mais qui ? Moi ! Ah, c'est toi ! Oui ! Mais qui ? Je crains bien reconnaître cette voix-là. Oh, sur mon âme, je l'ai entendue aussi. Ouvrez-moi, mon venir essayer. Oh, mon Dieu, mais c'est... C'est Ketchum, oh. Si vous voulez vous que ce soit. C'est Ketchum et Elbron. Ainsi, elle a osé. Oh, c'est toi, fillette, c'est toi, mon petit cœur, mon petit voilà ange. Voilà une impudence. Oh, regardez-la, mon maître, fraîche comme une rose. Je l'adore. Il n'y a rien à faire avec elle. Oh, vous ne pouvez la mettre à la porte. Faut-il maintenant répéter mes ordres ? Lisez seulement cette lettre, mon seigneur. J'étais courrier pour m'apporter mes lettres. Qu'est-ce donc que celle-ci ? D'où vient-elle ? Que contient-elle ? Quelque niaise déclaration d'amour, peut-être ? Non, mon noble seigneur, elle vous prévient d'un... Je ne veux pas le savoir. Va-t'en, va-t'en. Entendu ? Oh, je vous en supplie, prenez-en connaissance et sur l'instant, je m'en vais. Il ne me plaît pas à moi. Dors ! Est-ce compris ? Mon seigneur. Ma cravache, par le crépou à ma cravache. Nous allons bien voir s'il ne m'est pas permis sous le toit de ma fiancée de me garantir des figés froncés. Oh maître, que faites-vous ? C'est une enfant et ce billet n'est même pas de son écriture. Mais je sais ce que je fais, vieillard. Je suis ici à Turnec et ne puis rien recevoir de sa main. Vas-tu sortir maintenant ? Oui, mon vénéré seigneur. À l'entrée se trouve un valet. Remets-lui ta lettre et va-t'en. Je la lirai demain si le cœur m'en dit. Je t'obéis, mon noble seigneur. Mais ne me frappe pas avant que j'aie dit un mot à Goldschalk. Vite ! Prends-la donc, toi, et lis-la. Donne. Et d'où vient-elle cette fameuse lettre ? Du comte de Stein. Il annonce pour ce soir une attaque contre Turnec. Une attaque contre Turnec ? Mais sais-tu bien ce que tu dis ? Entendez-vous, monseigneur ? Quoi ? D'où tiens-tu cela ? J'étais chez le prieur Hato quand on lui remit le message. Il n'en comprit pas le sens, car on y parlait tout au long au majordome de mademoiselle Frédéric. Il voulut la rendre à l'estafier, mais j'ai bien su lui arracher des mains pour vous la porter. Car il y est écrit que ce soir, à minuit battant, l'attaque est donnée. Quel rapport entre le prieur Hato et la lettre ? Comment le saurais-je, mon noble seigneur ? Mais ce dont je suis sûre, c'est que le complot est véritable. J'ai vu de mes yeux le comte et sa troupe camper sous les remparts. Oh, tenez, lisez, mon maître. Au majordome Kantz, à minuit, quand la cloche sonnera, je serai devant Turnec. Ouvre les portes, au premier jet de flamme, je pénètre. Je n'en veux qu'à la demoiselle et à son fiancé. Fais-moi savoir où sont leurs appartements. Est-ce signé ? De trois croix. À combien estimes-tu leur troupe, Catherine ? À 60-70 hommes, mon vénéré seigneur. Ils bivouaquent devant le château, dis-tu ? Oui. À quelle distance d'ici ? 3000 pas. À droite de la route ? À gauche, dans la Pinède, près du torrent. Goldschak, avertis les seigneurs de Turnec et prie-les de me rejoindre ici. Quelle heure est-il ? La nuit de 11h, monseigneur. Tu n'as plus une seconde à perdre. Va ! Bien. Est-ce tout ce que tu avais à me dire ? Oui, mon noble seigneur. Tu as le visage en feu. Ne bois pas avant d'être un peu calmé. Et surtout, couvre-toi. Tu n'as même pas une mante. Je l'ai perdue en traversant le bois. Eh bien, tiens, prends cette écharpe. Et quand tu voudras retourner chez ton père, tu n'auras qu'à le dire. Vous êtes trop bon, mon vénéré seigneur. Et que fait ici cette cravache ? Et je séant des chiens à chasser. Je te donnerai des chevaux et une voiture. Quand penses-tu repartir ? Tout de suite. Tu peux rester pour la nuit à l'auberge. Tiens là, couvre-toi bien. Quand tu ne transpireras plus, tu me la rendras. Mon noble seigneur. Adieu, petite Catherine, adieu. Oh, Dieu tout-puissant, qu'est-ce donc ? Un orage, petite Catherine, rien qu'un orage. Maître, maître, la cloche d'alarme, la cloche d'alarme ! L'alarme ! Oh, saint du paradis, priez pour lui. Aux armes, seigneur de Turnec ! Le comte de Stein est déjà là ! des caves aux combles, des remparts aux postes de garde, court l'affolement des sanglantes surprises, tandis que dans les cours intérieures, au son du tocsin sonné à toute volée, le vigile s'époumonne. Au feu ! Au feu ! Au feu ! Éveillez-vous, gens de Turnec ! Arrachez-vous au sommeil qui plane sur vos têtes comme un oiseau de proie ! Revenez à vous ! Éveillez-vous ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Le crime entre à pas de loup dans la ville ! Le meurtre vous côtoie ! Les flambeaux de l'incendie lui montrent le chemin ! Que n'ai-je une voix d'airain pour crier « Au feu ! Au feu ! Au feu !» Sonne donc à t'en faire crever les joues, vigile ! Dieu me donne si l'aube voit une seule pierre blanche. Qui va là, pour fêter von Stahl? C'est toi, Flamberg, reste avec moi. Otschak, mon épée, balance. Le comte Durin est-il devant le château? Mais dedans, on ne sait plus ici reconnaître l'ami du traître. La trahison est dans l'enceinte. Enfermez les femmes dans le donjon. Prenez la première arme venue. Volez au rempart. Et pour trouver l'ennemi, cherchez la mort. Otschak, chien de valet, mon épée. La voici, mon noble seigneur. Que viens-tu faire ici, Kratch? T'apporter ton arme. Je ne t'ai pas appelé. Gottschalk a de quoi s'occuper ailleurs. Que n'a-t-il envoyé le page? Recommencerais-tu à tourner autour de moi? Dieu nous assiste! Dieu nous assiste! Où est votre nièce? Oh, nous sommes perdus! Où est mademoiselle Frédérique? Au secours! Au secours! Au secours! Entendez-vous, Saint-Elle! Elle appelle! Elle appelle! La voici, là, sous le portail! Frédérique! Frédérique! Le portrait, Heinrich! Le portrait que vous m'aviez donné! Eh bien. Il brûle! Malheur à moi! Sauvez-le! Il brûle! Je suis là, tout près de vous, mon ange, vous reste. Je suis le seul de mes portraits qui importe. Et le portrait! L'écrin! Le portrait! Où est-il, madame? Où est-il? Dans mon écritoire, mignonne. Il n'a pas de secret, il s'ouvrira sous ta main. Tiens, voici la clé. Arrête, Katch! Non, cours! L'écritoire est dans la chambre du milieu, au premier étage. Reste ici, petite folle! Je vous donnerai 10 portraits pour celui-là. C'est celui-là que je veux et pas un autre. Le lieu ni le moment ne sont choisis pour vous expliquer pourquoi. Va vite, tu auras ce diamant en récompense. Soit, va chercher, petite chienne, va. Va chercher. Adieu, mon noble seigneur. Une course d'or, à qui la suit, une course d'or? Vous n'osez pas, personne n'osera. Que de celle pour une inconnue, mon cher Heinrich. C'est inconnue, mademoiselle, et la jeune fille qui nous a servi aujourd'hui avec tant de dévouement. Et par Dieu, quand elle serait fille d'empereur, que craignez-vous? Elle ne risque qu'une promenade à travers la fumée. Mon château ne s'écoule pas encore. Au secours, au secours! Ce n'est pas la clé! Par le diable, quelle négligence! Dieu m'assiste, Dieu m'assiste! Ce n'est pas la clé! Redescends! Entends-tu, je t'ordonne de redescendre! Non, un instant. Non, je me souviens maintenant. La clé pend au mur, au-dessus de la table de toilette, près de la glace! Pour le Dieu du monde, je voudrais qu'il ne soit jamais né, celui qui m'a plaint, jamais né, celui qui m'a engendré. Cherche, petite chienne, cherche! À la table de toilette, entends-tu, prunelle de mes yeux? Où est-elle? Où est-elle? Tout est si noir ici! Cherche, cherche! Près du mur, à droite! Si tu ne te hâtes, la maison va s'effondrer! On m'apporte une échelle! Heinrich, qu'allez-vous faire? Et tout en votre chambre lui est inconnu. Vous tenez à votre portrait et soyez contente, vous l'aurez. Placez l'échelle ici. Mais n'exposez pas votre vie! Je croyais que la sienne n'était pas en danger. Rivez la potence à la fenêtre. Tenez l'échelle au pied. A tout de suite, mon amour. Oh, mon bien-aimé, écoutez-moi! Halte! Dieu du ciel! Arrière! Ketchen surgit d'un portail resté debout. Elle tient en ses mains un rouleau. Derrière elle, un ange, sous les traits d'un enfant, touche son épaule de sa palme et disparaît. Merci, puissance céleste. Regardez! Regardez! Ketchen! En vérité, Dieu fait planer sur toi une garde d'anges vigilants. Par où as-tu pu passer? Je ne sais pas montrer au Seigneur. Mais le château se dressait là, tout près, il me semble. Où étais-tu quand il s'est écroulé? Je ne sais pas, mon noble seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà qui va vous satisfaire, mademoiselle. Elle a le portrait. Donnez. Le voici. Petite sotte! Ne t'avais-je pas dit de rapporter aussi l'écrin? Quand les flammes me brûlaient, aurais-je dû glisser soigneusement le portrait dans l'écrin? Mais pourquoi n'as-tu pas sorti? Je n'ai sorti rien de rien, mademoiselle. L'étui traînait à côté, je ne pouvais imaginer qu'il avait sa valeur. Votre gratitude me confond, madame. Ainsi, c'est l'étui que vous vouliez? Et votre nom y était écrit de votre main. Il m'était cher. Et si ce n'est que cela, je vous libellerai d'autres signatures. Je suis seul juge du prix de ce qui m'appartient. Que restes-tu là, petite sotte? Satan a conduit ta main. N'aie pas peur, Ketchen. Mademoiselle Frédéric est bien moins en colère qu'elle ne le paraît. Je te félicite de ton courage et je te remercie en son nom. Éloigne-toi maintenant. Pourvu que tu ne me battes pas, montrez au Seigneur. Victoire, messire! L'assaut est repoussé. La retraite! Le comte de Stein s'enfuit à bride abattue, suivi du reste de sa troupe. À cheval, mes amis, gagnons le torrent et nous cernons toute la bande! De Stein en débandade conduisent à l'aurore leurs poursuivants sur le bord du torrent. Passez le torrent! Ce Wetter von Strahl gronde derrière nous comme le tonnerre! Assurez la retraite! Salut, monsieur le comte! Nous habitons à Stein, mais Stein est sur cette rive! Dans peu, j'aurai l'honneur de vous souhaiter le bonjour. Suivez, vous autres. C'est un ruisseau de truites, ni large, ni profond. Seul un juif s'y noirait. Pour Wetter von Strahl, en avant! Mon noble seigneur, mon noble seigneur! Allons, taillons en pièces cette racaille! Monsieur le comte de Strahl, monsieur le comte de Strahl! Mais par le diable, que viens-tu faire dans la mêlée? Monsieur le comte, monsieur le comte! Oh, voilà qu'il me faut maintenant te faire traverser, ce n'est pas raisonnable. Ne pouvais-tu rester à l'auberge? Goldschock! Goldschock! Tout de suite, mon maître, tout de suite! Allons. Tire tes souliers et tes bas. Crois-tu que ce soit bien nécessaire? Mais bien sûr, allons vite! Gottschalk! Me voici, mon seigneur! Que portes-tu là? L'écrin, mon cher Gottschalk. L'écrin qu'hier, tu sais. Quoi? Qui est resté dans le feu? Et pour lequel j'ai été grondé, oui. Je l'ai trouvé ce matin dans les décombres. Oui, intact, ma foi, comme s'il était de marbre. Mais il y a quelque chose là-dedans. Je n'ai pas regardé. Un billet doux, peut-être? Oh, que Dieu pardonne mon indiscrétion. Par le ciel! Qu'est-ce donc? Acte de donation du fief de Stauffen à mademoiselle Frédérique de Turneck. Oh, la péronnelle! Gottschalk! Chien de valet! J'arrive, monseigneur, j'arrive! Et avec ce billet, plutôt que tu ne le désires. Je suis prête. Allons, donne-moi la main, essuie-moi. Allez, retrousse-toi un peu. Me retrousser? Mais oui, évidemment, pour passer l'eau. Non, jamais. Mais jusqu'à mi-cuisse seulement, petite Ketchen. Je vais plutôt chercher un guet. Jusqu'au genou, petite fille, jusqu'au genou. Non, je ne peux pas. Oh, jusqu'à la cheville, seulement jusqu'à la plante des pieds. Non, non, je te rejoins tout de suite. Oh, Ketchen, Ketchen, je me retournerai, je fermerai les yeux. Et il n'y a pas de guet par là. Oh, je voudrais que sa ceinture craquât. Sur mon âme, elle va remonter jusqu'à la source. Et si un bacheteur n'a pitié d'elle, elle se perdra. Gottschalk! Damné tortue! Mais ne t'égosille pas, toi. Il te restera bien assez à hurler tout à l'heure. Le calme est tout à fait revenu maintenant. La paix n'est jamais plus tendre qu'au lendemain du massacre. Une place plantée d'arbres, un mur effondré ruisselant de soleil, un bouquet de genévriers. Tout ce que la soie peut offrir d'innocence. Aux branches sont pendues pour sécher une paire de bas, une petite chemise, des parures. Ketchen se repose. Ainsi, c'est vrai ce que m'a dit mon vieux Gottschalk. Elle y est revenue à son buisson de genévrier. Tu pourras y dormir tranquille. Je ne te chasserai plus jusqu'à ce que ton père te réclame. Mais je voudrais bien savoir en échange pourquoi tu t'es condamné à me suivre à travers l'eau et le feu. Ce n'est pourtant point par folie à teaser les profondeurs de l'enfer, mon petit ange. Que de fois te l'ai-je demandé? Et que de fois m'as-tu déjà répondu? Eh, mon noble seigneur, vous le savez bien. Eh bien, non, je ne sais rien. Pourtant, quand je te vois ainsi reposer avec tes joues fraîches et tes petites mains jointes, Je suis bien forcé d'avouer que je me sens devenir tendre comme un agneau. Je veux mourir si tu n'as pas oublié mes coups de cravache. Si tu n'as pas prié pour moi le soir où je t'ai menacé. Goldschalk m'a appris trois choses. Que tu dors comme une marmotte. Que tu rêves comme un chien de chasse au soleil de midi. Et que tu parles pendant ton sommeil. Avec cela, nous allons nous amuser à éclaircir les choses. Es-tu prête? Je commence. Si je fais un péché, que Dieu me pardonne. Fatchen, dors-tu? Non, mon vénéré Seigneur. Pourtant, tes paupières sont closes. Mes paupières? Oui, et bien closes, me semble-t-il. Ne dis donc pas de bêtises. Tes yeux seraient ouverts? Autant que je puis les ouvrir. Je te vois. Tu es à cheval. Sur l'Alzan, celui qui est si sensible? Mais non, sur le Rouen. Où es-tu, mon petit ange, dis-moi? Dans une prairie pleine de fleurs multicolores. Oui, je vois. C'est myosotis. Il a des violettes, regarde, toute une toux. Je voudrais descendre de cheval et m'asseoir sur l'herbe à côté de toi. Le permets-tu? Oh oui, mon noble seigneur. Hé, hey, Goldschalk! Où vais-je laisser la jument? Goldschalk! Où es-tu, maudit? Laisse-la donc en liberté, la lise ne se sauvera pas. Tu as raison. Katchen. Mon noble seigneur. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Pour sûr, de tout mon cœur. Mais moi je ne t'aime pas. Oh, le fourbe. Pourquoi, fourbe? Tu es amoureux. Amoureux de moi comme un scarabée. Comme un scarabée, voyez-vous ça? Et comment tout cela doit-il finir? Finir? Oui, y as-tu déjà songé? Bien sûr. Et alors? À Pâques prochaine, tu m'épouseras. Je t'épouserai? En vérité, je ne savais pas. Et qui donc te l'a dit? Marianne, la servante qui balayait chez nous. Elle l'a vu dans le plomb qu'elle avait fait fondre pour moi à la Saint-Sylvestre. Tu m'en diras tant. Et qu'a-t-elle prophétisé? Qu'un beau et grand seigneur m'épouserait. Et tu penses que c'est moi, ton chevalier? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Écoute, ma petite Catherine, je crois bien que c'est un autre. Le chevalier Flambert, par exemple, ne crois-tu pas? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que ce soir-là, quand le plomb fut fondu dans la bassine où tous les enfants de Hellbrunn lisent une fois l'an leur destin, j'ai demandé à Dieu de me présenter au cours de la nuit, mon chevalier. Et à minuit, tu m'es apparu en personne, tel que tu es en ce moment. Tu venais, plein d'amour, saluer ta fiancée. Quand te serrai-je ainsi? La nuit de la Saint-Sylvestre. Enfantillage, petite fille. Cette nuit-là, je n'ai pu t'apparaître en personne. Je t'ai couché en danger de mort au château de Strahl. Que dis-tu? Moi, je n'ai rien dit. Cela est étrange pourtant, en vérité. Raconte-moi comment tout s'est produit. Tu n'aurais pas dû l'oublier. Mais raconte. Étais-je seule? Non. Un ange te conduisait. Dieu qui l'étincelait. C'est lui qui te fit entrer dans ma chambre. Tu reposais sur un coussin de crin. Les draps étaient blancs, la couverture de laine rouge. Oui. Tu n'étais vêtue que d'une légère chemise. Oui, celle de lino. Et tu appelas Marianne. Marianne, Christine, vite, venez donc. Tu me regardais de tes grands yeux noirs, un peu terrifié. Oh, je craignais tant que ce fût un rêve. Tu sortis lentement de ton lit. Mais j'étais très loin. Tu avais très peur. Tu es tombé à mes pieds. Et je murmurais. Mon vénéré Seigneur. Alors, l'ange te montra. Le signe. Protège-moi, Dieu Tout-Puissant. As-tu vraiment le signe? Où cela? Au cou? Oh, je t'en prie, je t'en prie. C'est vrai. C'est vrai. Ma petite Katchen. Et alors, Marianne entra et tout s'évanouit. Elle me trouva couchée sur le sol et se moqua de moi. Oh, vérité de Dieu, éclairez-nous. Suis-je dans mon double et moi-même à la fois? Où suis-je? Que fais-je ici? Monseigneur me l'a interdit. Ainsi j'étais au château de Strahl, gravement atteint d'une fièvre nerveuse, et mon esprit chevauchait vers Hellbrunn. Monseigneur, tu étais là? Pardonne-moi, je t'en supplie, ne me frappe pas. Tu m'as trouvé sur tes terres malgré ta défense, mais je te jure que ce n'était que pour m'y reposer une heure. Vois-tu, je m'en vais. Est-ce donc là une fille d'empereur? Et puis je me dédoublais comme un troll, mon Dieu. Gardez-moi de la folie. Ketchen! Hé, hey, mon petit cœur, Ketchen, ma fille! Relève-toi, ne crains rien. Comme te voilà fait, arrange ton fichu. Oh, je savais bien te trouver là. Tu arrives à propos, Gosha. Tu m'as demandé d'admettre cette jeune fille dans mes écuries. Je tiens à te faire un plus grand plaisir. Elle habitera au château avec ma mère. Comment? Quoi? Qui au château? Et sur l'heure. Prends ses affaires. Accompagne-nous. Oh, par tous les saints du paradis, Ketchen, as-tu entendu? J'y consens, monseigneur. jusqu'à ce que j'aie des nouvelles de mon père. Je m'informerai de lui. Tiens, ton châle. Oh, tu prends cette peine pour moi? Et donne-moi la main. Mon vénéré Seigneur. Mais tout près de là, au cœur du château de Strahl où Frédéric a trouvé asile, couve un autre orage. Dans les cours interdites, Frédéric, enveloppé dans un voile fauve pour dissimuler ses infirmités, se dirige vers sa piscine, escorté de Lise, sa suivante. Oui, maîtresse. Trois commissaires impériaux l'ont éveillé à l'aube et prié de les suivre. Depuis, on s'inquiète, on invente, on suppose, mais nul ne sait ce qui lui est advenu. Tant qu'il ne m'aura pas signé un nouvel acte de donation, sa vie me sera chère, crois-moi. Allons, ouvre la grotte. C'est déjà fait, madame. J'ai appris que le chevalier Flamberg te faisait la cour. Tu ferais bien de préparer de bonnes explications. J'en exigerai au sortir du bain. Frédéric entre dans la grotte. Bonjour, Lise. Où allez-vous, Léonore? Quelle question, me baigner. Je suis navrée de vous déplaire, mais ma maîtresse est déjà là. Elle y aura donc trouvé Ketchen, je ne serai pas de trop. Que dites-vous? C'est impossible. C'est certain. Elle m'a précédée pendant que j'empruntais un peignoir à la comtesse Hélène. Tenez, voyez qui vient là. Vous ai-je trompée? Léonore, viens! Viens vite. Et quoi? Déjà baignée? Voyez comme elle brille. Léonore. Un signe émergeant d'un bloc de Léonore, cristal. Léonore, suis-moi, je t'en conjure. Tu étais là, malheureuse. Lise! T'as-t-elle vu? Réponds, t'as-t-elle vu? Léonore! Qu'y a-t-il? Parle donc. Lise! Par le ciel, il vaudrait mieux pour toi t'arracher les yeux que de laisser ta langue révéler ce qu'ils ont vu. Lise! Maîtresse, me voilà. Qu'est-il arrivé? Pourquoi trembles-tu? Je vais te dire... Mais promets-moi de n'en jamais rien dévoiler. Je te le promets, âme qui vive. J'étais dans la piscine latérale, et peu à peu, m'enhardissant, je gagnais celle du centre où personne n'a plus pied. Et alors je l'ai vue. Qui? Oh. Parle. Il faut que tu ailles tout de suite apprendre au comte. Quoi donc? Mais surtout, ne lui dis pas que cela vient de moi. Jamais il ne me pardonnerait de lui avoir appris cette abomination. Quelle abomination? T'expliqueras-tu enfin? Peut-être vaut-il mieux que je me taise à jamais. Allez, voilà! Partons, je t'en supplie, partons! C'est mademoiselle Frédéric avec Lise, personne ne... Oh, je suis perdue, si elle me voit, viens! Tiens, prends cette clé. Le tiroir est sous la glace. La poudre dans une boîte noire. Verse-la dans son vin, dans son eau, dans son lait. Fais comme tu voudras, mais qu'elle l'avale, dussent tous mes gens en périr. Maîtresse! Que sa salive se fasse poison et tout son corps pestilence. Rends-la muette et reste silencieuse. Quand elle pourrira et que sa poussière murmurera au vent ce qu'elle a vu, alors tu pourras me parler de douceur et de pardon, de devoir et de loi, de Dieu et d'enfer, et de remords si tu y tiens. Le monde n'a plus assez de place pour nous deux. La fureur de Frédéric contre Ketchen n'avait d'égal que celle du vieux Théobald contre Strahl. De supplique en supplique, il était parvenu à ses fins. À Worms, devant le château impérial, la cour, le clergé, l'armée et le peuple se sont réunis pour assister au jugement de Dieu. L'empereur va en donner le signal. Heinrich von Strahl. Lors de ton dernier voyage à Strasbourg, tu as ravi le cœur d'une fillette de 15 ans. Tu l'as poussée à abandonner son vieux père et présentement tu la séquestres dans ton château. Pour justifier ses crimes, tu répands des bruits risibles et sacrilèges. Un ange t'aurait confié que cet enfant est de sang impérial, de notre sang. Nous ne goûtons pas ces sortes de compliments et nous dédaignons la calomnie. Couronne-la donc toi-même si tu le désires en une cérémonie bouffonne. Quant à nous, nous croyons inutile d'ajouter qu'elle n'aura pas un seul arpent de la terre suave et qu'elle restera éloignée de notre cour. Mais il y a là un homme accablé des maux dont tu es la cause et qui demande justice. Non content de lui avoir pris sa fille, tu déshonores son épouse et tu outrages sa tombe. Nul tribunal ne saurait juger semblable procédure. Tu te mets à l'abri du ciel aux desseins impénétrables pour défendre ta cause. C'est donc devant la justice divine que nous te sommons de te présenter. Debout pour le jugement de Dieu! En garde, l'ami des anges! C'est à ton fer de parler, et c'est à ton fer seul que désormais nous prêterons l'oreille. J'ose cependant supplier Ta Majesté de m'écouter une dernière fois. En ce combat singulier, elle m'offre bien trop d'avantages. Mon bras a puisé sa vigueur dans ses guerres. Et s'il rencontre cette tête grise, je crains bien qu'il ne la pourfende comme fromage d'Hollande. Dans son impériale sagesse, qu'elle tienne donc mon affirmation quant à sa descendance pour un effet de ma fièvre d'alors, comme je considérerais qu'elle délire si elle affirmait que j'étais juif. Saisis-tu bien la portée de tes paroles, comte de Strahl? Oui, votre grandeur. Théobald Friedborn, tu as pour le moins lieu d'être satisfait. Le comte de Strahl vient de se rétracter devant la cour tout entière. Et comme il m'a promis de te rendre ta petite Catherine, si tu venais la chercher au château, tu n'as plus motif de le poursuivre. Sire, puis-je intercéder en faveur d'un de vos plus valeureux serviteurs, afin qu'il ne soit point puni pour des paroles dont la bizarrerie de la nature est unique responsable? Vous laisserez-vous prendre à ces manèges, messire? Sa rétraction des mensonges prudents, ses calomnies ont été faites en toute lucidité. Son âme en est imprégnée. Allons, ose le nier. Ose nier que tu as cherché le jour de naissance de Katchen à la paroisse, que tu as compté à quand remonter la conception, que tu as établi avec une malignité démoniaque que sa haute majesté était passée il y a 16 printemps par Elbron. Ose nier que tu n'en as pas conclu en toute conscience à l'illégitimité. Orgueilleuse issue du baiser d'un dieu et d'une furie, mon épée va te démasquer en te perçant le cœur. Acharné après moi qui ne t'ai jamais offensé, tu profitais tout à l'heure encore de ma pitié. Mais sa source en est tarie. Qu'il soit fait selon ton désir. Oui, un ange m'est apparu lorsque j'étais mourant. Oui, il m'a révélé le secret puisé aux fontaines du ciel. Oui, j'ose le crier à la face de Dieu, Catherine de Hellbronn est la fille de mon empereur. Héros, sonnez la mort du blasphémateur! Si mon épée n'était qu'un roseau, je ne t'en fendrais pas moins de la tête aux pieds comme un champignon de la lande, car tu en as menti et Dieu est avec moi. Si mon casque et mon front étaient minces, telle une lame, transparents et fragiles, telle une coquille d'œuf, ton fer n'en rebondirait pas moins comme au choc d'un diamant, car j'ai dit la vérité. Allons, frappe, maître Théobald, ose frapper. Mets ton casque, hypocrite, mets ton casque. Frappe, frappe donc. Ton casque, Satan, ton casque. Quelle drogue ai-je dans les yeux qui te paralyse? Arrière, arrière donc. Oh. De quel côté se trouvait Dieu, Théobald Friedborn? Remercie-le qui me retient de t'écraser la cervelle à coups de talon. Dis. Que l'éparque dénoue seuls les fils de tes jours. Catherine est la fille de mon empereur. Que tout le monde se retire. Freiburg. Waldenstaaten, venez avec moi. L'empereur emmène ses fidèles dans une chambre du palais. Je ne veux voir que le burgrave de Freiburg et le chevalier de Waldenstaaten. Catherine est bien la fille de votre empereur. Pendant ce combat dont je n'ai pu suivre la moindre part, tout me revenait en mémoire. Et je revoyais tout comme si tout était d'hier. Le tournoi, il y a 16 ans, chez la princesse Palatine, mes vassaux, Le peuple qui se réjouissait dans le parc la nuit venue, et elle, Bertha, qui en ce jour de joie pleurait, assise à l'écart. Elle avait perdu son plus beau cadeau de mariage, un bracelet d'argent. Elle ne me reconnut pas quand je m'approchais d'elle, la musique nous parvenait à peine. Et son chagrin était si profond parmi ce luxe dérisoire qu'il me toucha. Je détachai de ma poitrine une médaille d'or à mon effigie et je la glissai dans son corsage. On vient de m'affirmer que Ketchen en possède une semblable. S'il me fallait une autre preuve, le signe impérial qu'on dit qu'elle porte au cou me la fournirait bien. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire. En attendant ma décision, ne confiez mon secret qu'à ces quatre murs. Je vous recevrai dans une heure et j'entendrai vos conseils. Vous pouvez faire rouvrir les portes. Bien, messeigneurs, voilà qu'on vous admet au conseil secret. Toutes mes félicitations. Les secrets sont dans nos habitudes. Ne penses-tu pas, Flamberg? Freiburg! Est-ce toi ou un fantôme? Ce n'est pas la faute de Strahl si je ne suis point déjà un pur esprit. Ah, oh, du diable, si... On soigne encore les blessés en Swab, mon ami. Que nous veux-tu? Je cherche le comte. Sa noble fiancée a tenté de corrompre le cuisinier pour qu'il empoisonne Ketchen. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle l'avait surprise au bain. Et tu ne comprends pas cela? Je l'avoue. Eh bien, je vais te l'expliquer. Son corps est une parfaite mosaïque composée de quatre royaumes. Ses dents viennent de Munich, ses cheveux de France, l'éclat de ses joues des mines de Hongrie, et ses formes admirables sont empruntées au fer de Suède. As-tu compris? Qu'inventes-tu là? Dis à ton maître de se saisir d'un passe-partout et de la surprendre au matin alors que ses charmes traînent sur ses chaises. Il en deviendra sa propre statue que nous pourrons, s'il le désire, ériger près de certaines huttes en mémoire de sa prouesse. Château de Strahl, Frédéric ne sait rien encore de ses révélations. De l'aube à la minuit, elle rumine sa vengeance. Au matin, elle est assise devant sa coiffeuse. As-tu bien fermé la porte? Oui, maîtresse. Et verrouillée? Non, naturellement. Toujours ces mêmes négligences. Fermée et verrouillée chaque fois. Devrais-je encore le répéter? J'y vais, maîtresse. Bonjour, Lise. Dieu. Vous ici, monsieur le comte? Qui frappe? Je ne veux voir personne. Monsieur le comte de Strahl. Que Dieu le rende aveugle. Qui est-ce? Qui cela, monsieur le comte? Mais ne fais pas l'innocente. Qui est-ce? Lâchez-moi, vous me faites mal. Ta maîtresse, n'est-ce pas? Allons, avoue-le. Pardieu, je crois que monsieur le comte plaisante. C'était Sibyl, ma marâtre. Oui, Sibyl. Lise, Lise, viens m'habiller. Entendez-vous? Mademoiselle qui est encore au lit m'appelle. Que monsieur le comte me pardonne de le quitter si vite. La voilà donc telle qu'elle est. Le maître dont je me servais sur le marché du monde était faux. Et mes yeux n'ont pas su la voir. Et mes oreilles n'ont pas su entendre. Et je n'ai pas su aimer. J'ai payé la douceur par le mépris et la perfidie par la constance. Et me voilà roi de mon royaume absurde. Est-il donc impossible à qui se meurtrit de se fuir soi-même? Oh, mon alzan, conduis-moi au cœur d'un orage où la mort saura m'atteindre. Que faire, mon cœur, qui t'est tant trompé? Que faire? Je t'écoute encore. Quel événement important vous amène si tôt chez moi? Pas une mauvaise nouvelle, j'espère. Je venais en prendre de vous. Les préparatifs de noces avancent-ils? J'en ai du moins donné l'ordre. À quand est-ce fixé? C'était fixé à demain. Un jour ardemment attendu pour moi, Dieu le sait. Mais vous ne semblez guère partager ma joie. Croyez que je suis le plus comblé des hommes. Est-il vrai qu'il a failli arriver malheur à cette petite C'est Ketchen que vous hébergiez? Est-il démon pareil à elle? Que lui est-il donc advenu? La vérité s'altère dans la bouche d'une servante, et je n'ai guère entendu que cette vérité-là. Plût à Dieu que vous en ayez entendu une autre. J'aimerais savoir sa retraite. J'ai quelques comptes à régler avec elle. Je ne lui ai pas encore donné le diamant promis. Vous ne le lui donnerez plus, madame. Elle a succombé. Oh. Nous l'avons ensevelie ce matin. Ainsi s'achève la vie au moindre signe de Dieu. Que nous dites-vous là? La vérité, mademoiselle, qui est aussi celle des servantes. Oh, j'aurais bien voulu la voir dans sa parure de morte et lui rendre un dernier hommage en souvenir de ce qu'elle a fait pour moi. Votre reconnaissance est un peu tardive. Il n'est plus temps. Que sa seigneurie me pardonne de l'interrompre, un messager de Gottschalk la demande tout à fait pressante. Et d'où vient ce messager, Hans? D'un tout jeune tombeau, mademoiselle. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Retournez à votre toilette, que je suis navré, croyez-le, d'avoir interrompu. Il sait, Lise. Il sait tout. Mon apparence, pour la première fois, ne l'a pas trompé. Oh, c'en est fait de nous. Il ne sait rien et n'en croit pas ses yeux. Vous désespérez, et moi je sauterai de joie. Il est convaincu que c'est Sibylle qui était assise ici. Remercions Dieu qui l'a fit venir au bon moment vous apporter de la neige des montagnes pour achever la fourberie. Chacun de ses regards était un soupçon. Quand il vous vit, chacun devint désir. Allons, ressaisissez-vous. Nous sommes au but. Demain, le premier rayon de l'aurore vous verra comtesse Frédérique de Wettestrahl. Qui sait? Sommet de la montagne, dans la caverne où le tribunal de la Sainte Vème s'était réuni, Ketchen, déguisé en petit garçon, s'est réfugié, fuyant la colère de Frédéric. A-t-on jamais vu petite fille jouer à l'épervier? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ne t'effraie pas, mon cœur, ton vieux Gottschalk est là. Était-il bien nécessaire de l'emprisonner dans cette caverne? Le péril qui la guette est si grand, monseigneur, qu'un nid d'aigle seul pouvait l'accueillir. Où est ton maître? Il ne serait plus tardé, je l'ai fait prévenir. Nous ne pouvons plus l'attendre. Prends ce parchemin, Catherine. Lis-le et suis-moi. Ce lieu n'est pas digne d'abriter une fille de ton rang. Worms, désormais, t'ouvre ses portes. Worms? Le palais de Worms? Que signifie? Les conseillers impériaux ont tenu solennel? Salut, Strahl. Que me désirez-vous? Nous apportions un écrit impérial à cette jeune fille. Est-ce là ce que tu tiens, Ketchen? Oui, mon noble seigneur. Qu'y a-t-il donc là-dedans? Je ne sais pas, mon noble seigneur. Permets-tu que je le lise? À voix haute, si tu veux. Sachez qu'aujourd'hui, nous reconnaissons Catherine, dite Catherine Friedborn, comme notre fille. Dès ce jour, elle prendra nom Catherine de Schwab. Sa demeure désormais est au palais de Schwabach, où la cour l'accueillera ce soir dignement. Nous désirons que cette révélation soit rendue publique. Faite en ce jour, le 16e de juin, au palais impérial. Gottschalk. Laissons-les maintenant. Ketchen, Ketchen, reviens à toi. Allons, reviens à toi. Il ne nous faut plus perdre une minute désormais. Monseigneur, que signifie? Toute l'énigme te sera expliquée ce soir. J'ai tant de choses à te dire, de bien plus important. Et que je t'aime d'un amour éternel, et que je te cherche depuis mon délire, et que tu seras ma femme. Que dis-tu? Je ne te comprends plus, mon vénéré Seigneur. Pardonne à mes paroles si elles t'ont fait de pauvres blessures, à mes gestes s'ils t'ont outragé. Quand je songe à mes constants mépris et à toutes mes indignités, que je te vois aujourd'hui dans ta gloire bienveillante comme hier, et douce comme avant. Tu ne m'as pourtant pas pleuré. Dès l'aube, je couvrirai d'or et de soie ces pieds qui sont meurtris à ma poursuite. Un dais abritera ce front que tant de soleils ont brûlé. Le plus beau coursier d'Arabie, harnaché de pierreries, te portera. Toi, qui courais comme un valet, et là-bas, sous les rochers, parmi les genévriers dont tu avais fait ton palais, s'érigera pour toi un palais véritable. Mon amour, ainsi tu voudras bien, dis. Tu voudras bien. Je ne veux rien, mon enfant, et je n'ai rien dit. Si tes oreilles se sont trompées, oublie ce qui fit leur erreur. Mes égarements n'ont jamais lieu. Mais... Est-ce compris? Oui, mon noble seigneur. J'aurais une faveur à te demander. Tu peux tout attendre de moi. Je me marie demain. À midi, le cortège conduira ma fiancée à l'hôtel. J'aimerais que Catherine de Schwab assista à la cérémonie et en soit le joyau. Que, par amour pour ton seigneur, tu te pares de la somptueuse robe que ma mère t'a préparée. J'aimerais que tu surpasses en éclat toutes les dames de l'Empire et Frédéric de Turnec au besoin. Pourquoi pleures-tu? Je ne sais. Quelque chose m'est tombé dans l'œil. Oui, j'aimerais que tu sois belle, comme jamais ne le fut princesse de Swab. Le veux-tu? Oui, mon vénéré seigneur. Le lendemain, devant l'église de Wetterstrahl, tout est prêt pour le mariage. Remplis ton office. Nous faisons par la présente, à savoir à toutes gens et en tout lieu, que très haut et très noble comte Heinrich Peter von Strahl célèbre aujourd'hui son mariage avec Catherine, princesse de Swab, fille de sa majesté notre empereur et notre maître. Le ciel bénisse les nobles époux et répande sur leur tête la corne d'abondance des réjouissances célestes. Cet homme est-il fou, Lise? Ce qu'il dit en tout cas est à nous rendre folles. Où est donc la fiancée? Notre cousine est là, seigneur, sous le portail. C'est la fiancée du comte de Strahl que nous cherchons. Y aurait-il un autre mariage? Allons, messieurs, remplissons nos fonctions. Par le ciel, que signifient ces préparatifs? Lise, je t'en conjure, ne me quitte pas. Que dites-vous? Qui saluez-vous? Fuyons, Lise, fuyons. Nous ne pouvons pas, on a les yeux sur nous. Est-ce donc là la fiancée? De qui, mes seigneurs, de qui? De celui que l'ange t'a promis, ma fille. Car je puis sans déchoir donner mon enfant à celui que le ciel protège. Il m'a demandé ta main en secret, je la lui accorde en plein jour. Je lui ai posé des conditions. Il en accepte le principe. Ainsi donc, burgrave de Freiburg, et vous, comte du Rhin, agréez la paix qu'il vous propose et l'amitié qu'il vous offre. Vos yeux se sont ouverts à l'imposture. Ne vous gardez pas grief les uns aux autres d'en avoir été dupes. Quant à toi, Théobald, tu habiteras au château de Strahl. Car nous n'ignorons pas que les révélations les plus terribles ne changent rien au cœur de l'homme, que la si belle source d'un si pur amour ne saurait être tarie. Approche, Catherine, et échange cette bague avec celui que le ciel t'a désigné. Allons, donne-lui ta main, Ketchen. En mon malheur, j'aurais au moins appris qu'il ne faut pas désunir ce que Dieu a lié. Catherine, ma fiancée, me veux-tu? Tu le sais bien, mon noble seigneur. Allons, comte de Strahl, conduisez-la à l'autel. Comte de Strahl, vous me paierez cette injure. J'en fais serment devant Dieu. Empoisonneuse. Oh, Adieu, Ketchen. Bon vent, chevalier. Que votre barque soit certaine à vous qui avez failli sombrer. Un songe vous a uni, craignez qu'un autre vous sépare. Le songe solitaire au soir des amours gâchés. Vous n'aurez pas toujours un monarque pour veiller à votre joie. Tu as échappé au poison, Ketchen. Sache qu'il en est d'autres plus subtils et plus mortels. Celui des mots prononcés, celui des mots retenus dans la maison de l'indifférence. Tel que je vous vois aller vers l'autel, vous emplissez mon cœur de joie. Mais au-delà de ces marches, déjà vous guettent les pièges du désordre. Prenez-y garde. Quant à vous, mes fidèles, gardez la leçon de ce spectacle et livrez-en la fleur à votre descendance. L'imposture n'a qu'un temps, le mensonge moins d'un jour. Et si cette aurore est si belle, c'est qu'elle a vu démasquer la traîtrise. Mais retenez surtout qu'un pur amour peut déposer sur les fronts la couronne. Réjouissez-vous d'avoir vécu ces jours. De semblables, jamais n'illustreront plus la Swab. Car la contrée la plus riche n'a qu'une légende à donner au monde. La Radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous ont présenté La petite Catherine de Hellebrunn ou L'épreuve du feu, adaptation française du drame de chevalerie en 5 actes et 16 tableaux de Heinrich von Kleist par Eric Bromberger. Production et réalisation de Jacques Régnier. Illustration musicale d'après l'œuvre d'Anton Bruckner. Sonnerie et fanfares originales d'André Jolivet. Voici quelle était la distribution de La petite Catherine de Hellebrunn. Messieurs Jean Chevrier, le comte de Strahl, Jacques Charon, Goldschack, Jean David, empereur de Swab, Paul-Émile Debert, Stein, Pierre Gallon, Gottfried, Georges Vitray, Théobald, Louis Aymon, le prince Otto, Paul Ecoffard, Ernstadt, Jacques Servière, Flamberg, Marco Béard, Jacob Pech, Jacques Ezer, l'archevêque, Jean-Louis Gemma, Freiburg, Gilbert Guiraud, l'estafette, Jean-Paul Roussillon, le valet. Mesdames Louise Comte, Frédéric, Maria Fromet, la récitante, Suzanne Nivette, la comtesse, Jeanne Moreau, Ketchen, Geneviève Martinet, Brigitte, Eliane Bertrand, Lise.